Pour féliciter la réussite du 7e congrès du Parti travail de Corée, les 3 et 5 juin ont eu lieu une conférence à Stavropol, Russie, et un séminaire à Minsk, Biélorussie. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et autres habitants. Les orateurs ont félicité sincèrement l'historique 7e congrès du Parti travail de Corée pour ses succès et le maréchal Kim Jong-un pour son élection au poste de président du parti. À la conférence tenue en Russie, les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.